Chapitre 6, le cinquième article. Que nous enseigne le cinquième article ? Est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité d'entre les morts. Le cinquième article du Credo nous enseigne que l'âme de Jésus-Christ, une fois séparée de son corps, alla dans les limbes et que, le troisième jour, elle s'unit de nouveau à son corps pour n'en être jamais plus séparée. Qu'entend-on par enfer ? On entend ici par enfer les limbes, c'est-à-dire le lieu où étaient les âmes des justes en attendant la rédemption de Jésus-Christ. Pourquoi les âmes des justes ne furent-elles pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ ? Les âmes des justes ne furent pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ, parce que le paradis avait été fermé par le péché d'Adam, et qu'il convenait que Jésus-Christ, dont la mort le rouvrait, fût le premier à y entrer. Pourquoi Jésus-Christ voulut-il retarder sa résurrection jusqu'au troisième jour ? Jésus-Christ voulut retarder sa résurrection jusqu'au troisième jour pour manifester avec évidence qu'il était mort. La résurrection de Jésus-Christ fut-elle semblable à celle des autres hommes ressuscités ? Non, la résurrection de Jésus-Christ ne fut pas semblable à celle des autres hommes ressuscités, parce que Jésus-Christ ressuscita par sa propre puissance et que les autres furent ressuscités par la puissance de Dieu. Chapitre 7, le sixième article. Que nous enseigne le sixième article est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Le sixième article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection, monta au ciel par sa propre puissance en présence de ses disciples, et que, étant comme Dieu égal à son Père, il a été comme homme élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints, et établi le Seigneur de toutes choses. Pourquoi Jésus-Christ, après sa résurrection, resta-t-il 40 jours sur la terre avant de monter au ciel ? Jésus-Christ, après sa résurrection, resta 40 jours sur la terre avant de monter au ciel, pour prouver par diverses apparitions qu'il était vraiment ressuscité, et pour instruire toujours davantage et confirmer les apôtres dans les vérités de la foi. Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au ciel ? Jésus-Christ est monté au ciel, premièrement pour prendre possession du royaume qu'il avait mérité par sa mort, deuxièmement pour préparer notre place dans la gloire et être notre médiateur et notre avocat auprès de son Père, troisièmement pour envoyer le Saint-Esprit à ses apôtres. Pourquoi dit-on de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée ? On dit de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée, parce que Jésus-Christ étant homme-Dieu, monta au ciel par sa propre puissance, tandis que sa mère, qui était une créature, bien que la plus digne de toutes, monta au ciel par la puissance de Dieu. Expliquez les mots « est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant ». Les mots « est assis » signifient la possession pacifique que Jésus-Christ a de la gloire, et les mots « à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant » expriment qu'il a une place d'honneur au-dessus de toutes les créatures. Chapitre 8, le septième article. Que nous enseigne le septième article, d'où il viendra juger les vivants et les morts ? Le septième article du Credo nous enseigne qu'à la fin du monde, Jésus-Christ, plein de gloire et de majesté, viendra du ciel pour juger tous les hommes, bons et mauvais, et pour donner à chacun la récompense ou le châtiment qu'il aura mérité. Si chacun, aussitôt après la mort, doit être jugé par Jésus-Christ dans le jugement particulier, pourquoi devons-nous tous être jugés dans le jugement général ? Nous devons tous être jugés dans le jugement général pour plusieurs raisons, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire des saints, pour la confusion des méchants, enfin pour que le corps ait avec l'âme la sentence de récompense ou de châtiment. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire de Dieu ? Au jugement général, la gloire de Dieu sera manifestée parce que tous connaîtront avec quelle justice Dieu gouverne le monde, bien que parfois maintenant on voit les bons dans l'affliction et les méchants dans la prospérité. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire de Jésus-Christ ? Au jugement général, la gloire de Jésus-Christ sera manifestée parce qu'après avoir été injustement condamné par les hommes, il paraîtra alors à la face de tous comme le juge suprême de tous les hommes. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire des saints ? Au jugement général, la gloire des saints sera manifestée parce que beaucoup d'entre eux qui moururent méprisés par les méchants seront glorifiés en présence de tout le monde. Au jugement général, quelle sera la confusion pour les méchants ? Au jugement général, la confusion des méchants sera très grande, surtout pour ceux qui opprimèrent les justes, et pour ceux qui cherchèrent pendant leur vie à être estimés des hommes vertueux et bons, parce qu'ils verront manifester à tout le monde les péchés qu'ils commirent, même les plus secrets. Chapitre 9, le huitième article. Que nous enseigne le huitième article « Je crois au Saint-Esprit » ? Le huitième article du Credo nous enseigne qu'il y a un Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité, qu'il est Dieu éternel, infini, tout-puissant, créateur et seigneur de toutes choses comme le Père et le Fils. De qui procède le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un seul principe par voie de volonté et d'amour. Si le Fils procède du Père et si le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, il semble que le Père et le Fils soient antérieurs au Saint-Esprit. Comment dit-on alors que les trois personnes sont éternelles ? On dit que les trois personnes sont éternelles parce que le Père engendre le Fils, ab eterno, de toute éternité, et que le Saint-Esprit procède aussi ab interno, du Père et du Fils. Pourquoi la troisième personne de la très sainte Trinité est-elle appelée spécialement du nom de Saint-Esprit ? La troisième personne de la très sainte Trinité est appelée spécialement du nom de Saint-Esprit parce qu'elle procède du Père et du Fils par voie d'amour et de spiration. Latin spiratio, de spirare, souffler, respirer. Le Saint-Esprit est comme le souffle du Père et du Fils. Quelle est l'œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit ? L'œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit est la sanctification des âmes. Le Père et le Fils nous sanctifient-ils comme le Saint-Esprit ? Oui, les trois personnes divines nous sanctifient également. S'il en est ainsi, pourquoi la sanctification des âmes est-elle attribuée spécialement au Saint-Esprit ? La sanctification des âmes est attribuée spécialement au Saint-Esprit parce qu'elle est une œuvre d'amour et que les œuvres d'amour sont attribuées au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est-il descendu sur les apôtres ? Le Saint-Esprit descendit sur les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ et 10 jours après son ascension. Où étaient les apôtres pendant les 10 jours qui précédaient la Pentecôte ? Les apôtres étaient réunis dans le Cénacle, en compagnie de la Sainte Vierge et des autres disciples, et ils persévéraient dans la prière attendant l'Esprit Saint que Jésus-Christ leur avait promis. Quels effets produisit le Saint-Esprit dans les apôtres ? Le Saint-Esprit confirma les apôtres dans la foi, les remplit de lumière, de force, de charité et de l'abondance de tous ses dons. Le Saint-Esprit a-t-il été envoyé pour les seuls apôtres ? Le Saint-Esprit a été envoyé pour toute l'Église et pour chaque âme fidèle. Quels effets produit le Saint-Esprit dans l'Église ? Le Saint-Esprit, comme l'âme dans le corps, vivifie l'Église par sa grâce et par ses dons. Il y établit le règne de la vérité et de l'amour. Il l'assiste pour qu'elle conduise sûrement ses fils dans la voie du ciel.